Petite clope, belle comme le jour, belle de nuit. À l'aube, tu es l'éclat timide, lueur douce réveillant le ciel. Ton sourire, une lumière limpide, éveille chaque jour, toujours fidèle. Belle comme le jour, mais belle de nuit, ton éclat apaise l'ombre et la pluie, enchantant nos vies, de l'aube à minuit, à tes côtés, tout se réjouit. Le matin, tu es une danse légère, chuchotement doux, caresse de lumière, chaque geste, une aube éphémère, réveillant la beauté. Si singulière. Si singulière. Belle comme le jour, belle de nuit, ton éclat apaise l'ombre et même la pluie. En chantant nos vies, de l'aube à minuit, à tes côtés, tout se réjouit. Tu es le soleil au zénith, rayon ardent, éclat sans limite. Ta chaleur douce, une étreinte, mais qui m'invite à goûter la vie, et chaque instant le mérite. Belle comme le jour, belle de nuit, ton éclat apaise l'ombre et la pluie, en chantant nos vies de l'aube à minuit. À tes côtés, tout se réjouit. L'après-midi, tu es une mélodie douce, chanson sereine, le frisson qui pousse, ton éclat paisible, un rêve qui m'épouse, perçant chaque heure d'une tendresse douce. Belle comme le jour, belle de nuit. Ton éclat apaise l'ombre et la pluie, en chantant nos vies, de l'aube à minuit, à tes côtés, tout se réjouit. Au crépuscule, tu es l'or du couchant, peinture vivante. Éclatant d'instant, chaque nuance promesse de temps. Lentement, tu endors le jour aimant. Ha! Et tout est dans la courbe. Belle comme le jour, belle de nuit, ton éclat apaise l'ombre et la pluie. En chantant nos vies de l'aube à minuit, à tes côtés, tout se réjouit. Au coucher, tu es le tout éclat, lumière rouge embrassant le matin, et chaque reflet, horizon divin, et la promesse d'un jour sans fin. Belle comme le jour, belle de nuit, ton éclat apaise l'ombre et la pluie. En chantant nos vies, de l'aube à minuit, à tes côtés, tout se réjouit.